Samedi 18 septembre, c'est le 30e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur compagnon Mohamed Al-Joundi. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Bon week-end à l'écoute de France Inter, il est 14h. On retrouve Michel Khalifa, bonjour. Bonjour, pour Alstom, c'est une bouffée d'oxygène. Le géant français a reçu aujourd'hui la confirmation d'une commande de 2 paquebots de croisière. Un contrat de 800 millions d'euros qui émane de la compagnie italienne MSC. Les 2 navires d'une longueur de 294 mètres pourront embarquer jusqu'à 3000 passagers et 1000 membres d'équipage. Le premier sera livré en juin 2006. C'est la première commande ferme reçue par Alstom depuis février 2001. Elle intervient alors que le groupe a commencé à mettre son plan de refinancement en action, un plan de refinancement d'un montant de plus de 2 milliards d'euros. Le syndicat des travailleurs corse et la SNCM vont engager de nouvelles négociations cet après-midi. Depuis maintenant 14 jours, les navires de la SNCM sont maintenus à quai sur l'île de Beauté. Le ST